Le comité central de la Fédération générale des scientifiques et techniciens de Corée a organisé du 24 au 26, respectivement à la fabrique de chaussures de Wonsan de la province du Gangwon et au palais des sciences et techniques à Pyongyang, l'exposé scientifique national du secteur de l'industrie de chaussures et du secteur des machines agraires. Les hommes intéressés, les enseignants et chercheurs de diverses unités, ainsi que les membres de doctorat qui y ont participé, ont exposé de nombreuses dissertations susceptibles de contribuer considérablement au développement de l'industrie de chaussures et à la mécanisation de l'ensemble de la gestion de l'économie rurale. Les meilleures thèses ont été diplômées et primées.